Avant de conclure cette première partie, je ne peux pas résister à la tentation de vous livrer encore une petite transformation qui, une fois de plus, vous distinguera du lot des autres tourists, notamment si vous veillez bien à la pronunciation. Cette dernière transformation constitue en quelque sorte la suite et fin de la précédente, donc celle qui nous permettait de passer des mots français en East à leurs English equivalents en Est, IST, puisqu'elle concerne tous ces mots en isme qui n'en manqueront pas de provoquer des discussions intéressantes. Par exemple, je viens d'évoquer le mot tourist, touriste. Eh bien, la traduction de tourisme en anglais, ce sera tourism. T-O-U-R-I-S-M. Donc là encore, pas de E à la fin. Mais faites bien attention à la prononciation. En effet, on entend une syllabe de plus qu'en français, puisque la terminaison ISM se prononce ism. Alors, est-ce que vous pourriez répéter la traduction anglaise de tourisme? Tourism. Tourism, qui s'écrit donc T-O-U-R-I-S-M, mais se prononce tourism. Alors, si tourisme se dit tourism en anglais, quel sera le mot pour dire nationalisme? Nationalism. Nationalism, c'est ça, nationalism. Donc, la seule véritable difficulté avec ces mots en isme, c'est leur prononciation en anglais, ism. Et maintenant, comment direz-vous le socialisme? Socialism. Socialism, c'est bien le socialisme. Donc, si vous avez pensé à le traduire sans the, eh bien, c'est que ça rentre. Et donc, le capitalisme? Capitalism. Capitalism, right. Alors, si clairement se dit clearly, C-L-E-A-R-L-Y, comment dira-t-on « le socialisme et le capitalisme sont clairement incompatibles »? Socialism and capitalism are clearly incompatible. Socialism and capitalism are clearly incompatible. Nous voilà bien loin du baby talk. Tout comme Michel Thomas, je ne voudrais pas que vous vous limitiez à une poignée de mots basiques et de phrases simplistes. Bien, alors je voudrais conclure cette première partie de la méthode par une dernière phrase. Nous avons déjà vu comment dire « pour » dans le sens de « afin de », c'est « in order to » en trois mots, et le mot « langue » qui en anglais se dit « language ». Alors, vous allez maintenant avoir besoin d'un mot supplémentaire, c'est « another », qui est constitué selon la technique du collage de « un »,« un » et « other »,« autre ». Et signifie donc « un autre ». Mais ça s'écrit tout attaché. « Another ». A-N-O-T-H-E-R. Bon, maintenant, vous devriez pouvoir traduire « Pour apprendre une autre langue, l'optimisme est crucial ». Pas de problème avec « crucial », c'est exactement le même mot en anglais, mais prononcé « crucial ». Alors, attaquons-nous à notre phrase par étape. « Pour apprendre une autre langue », in order to learn another language. In order to learn another language, l'optimisme est crucial. Optimism is crucial. Optimism is crucial, oui. Alors, est-ce que vous pourriez reprendre la phrase en entier? Pour apprendre une autre langue, l'optimisme est crucial. In order to learn another language, optimism is crucial. So true. C'est tellement vrai. In order to learn another language, optimism is crucial. Et avec de telles transformations, il y a de quoi être optimistique. Comme moi, vous avez sans doute été surpris quand Michel Thomas disait que vous n'aviez besoin que de 800 à 1500 mots pour pouvoir communiquer dans une autre langue, pour avoir un vocabulary de départ suffisant. Grâce à toutes ces transformations que nous avons vues, vous connaissez maintenant, ou du moins vous êtes en mesure de créer, to create, au moins ce nombre de mots, si ce n'est plus. Et vous allez encore apprendre plusieurs centaines d'autres mots et expressions de tous les jours et vous entraîner à les utiliser, des mots qui ne ressemblent pas nécessairement au français, mais qui sont essentiels pour développer vos compétences en anglais. Vous verrez comment petit à petit, little by little, comme on dit en anglais, vous atteindrez votre objectif, parler l'anglais avec aisance. Alors détendez-vous, respirez profondément, et si à quelque moment que ce soit, vous avez des doutes sur un point particulier que nous avons déjà vu, je vous encourage à le revoir, à vous entraîner à nouveau, tout comme Michel Thomas le recommandait toujours à ses étudiants. Pour vous aider à retrouver ce que vous voulez réviser, reportez-vous au livret d'accompagnement dans lequel vous trouverez un index détaillé du contenu de chaque piste des enregistrements. Thank you very much for your attention.